Et François Morel, c'est à vous. Auditrices, auditeurs, collègues, Tarlouze, Poufias, Schleu, Bosch sont des mots qui, bientôt, seront exclus du Scrabble. Ainsi en a décidé la société Mattel qui édite le jeu en France. Cette règle n'aura pas tellement de conséquences au sein des familles puisqu'aucun inspecteur lexicologique, aucun policier en linguistique ne viendra vérifier les mots que vous aurez posés le dimanche après-midi en jouant avec mamie qui a préparé un clafoutis aux pommes et sur son chevalet le mot « enculé », mais n'est pas prête à accepter « fils de pute » car l'expression est composée de trois vocables. Un camarade à moi, Philippe Duquesne, il y a une trentaine d'années, avait conçu une version du Scrabble qui, me semble-t-il, était intéressante car créatrice de trouvailles et d'inventions. La version de Monsieur Duquesne, dont le seul tort est sûrement de n'avoir jamais breveté sa brillante idée, consistait à n'avoir le droit de déposer sur le plateau que des mots entrant dans le vocabulaire sexuel. Autant dire qu'il fallait se creuser le ciboulot, puisqu'à côté des termes objectivement liés au lexique du sexe, dont je ne vais pas vous faire la liste, on devait pouvoir justifier en quoi le mot posé pouvait se retrouver en connexion avec le monde de la reproduction et de la rigolade, et d'une manière plus général, avec tout ce qui était jugé non seulement sexuel, mais également impur, obscène, pornographique, licencieux, scandaleux, scatologique ou même simplement physiologique, organique ou charnel. Ainsi, le mot « vanille » était immédiatement accepté puisque son étymologie renvoyait à l'espagnol « venilla », dérivé du latin « vagina », dont est issu le français « vagin », mais le mot « pistache », en revanche, devait être refusé puisqu'a priori, il ne devait rien évoquer d'autre que le chaste fruit du pistachier. Naturellement, la mauvaise foi et l'imagination la plus débridée entraient en ligne de compte pour que le mot soit validé. Le joueur, qui avait posé des mots aussi innocents que lapin, oiseau, cric, spatule, douille, gendarme, burin, cruciforme, expliquait avec plus ou moins de facilité en quoi les mots lapin, oiseau, cric, spatule, douille, gendarme, burin, cruciforme entraient parfaitement et plus souvent qu'à leur tour dans la nomenclature concernée. Je propose donc, notamment dans les tournois de Scrabble, dans les jeux sur ligne qui existent à côté de la version officielle, vertueuse et disons-le un peu ennuyeuse, la version lubrique, luxurieuse et même joyeusement concupiscente de Monsieur Duquesne. Concupiscence, voici un joli mot et recherché. Rêvons entre spécialistes, imaginons que sur le plateau, on ait posé le mot « con » puis deux cases en dessous le mot « pi ». L'heureux détenteur des lettres C, E, B, N, U et de deux jokers aura la possibilité de poser le mot « concupiscence », ce qui lui permettra non seulement de faire un scrabble, mais aussi l'admiration de ses adversaires. Vive le scrabble de Monsieur Duquesne. Merci à vous François Morel, merci à Monsieur Duquesne également. On vous retrouve François sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées les 14 et 15 février pour votre spectacle « J'ai des doutes ». ».